La semaine dernière, en ouverture d'émission, je vous disais que Réanimation n'était pas seulement qu'une émission radiophonique métal, mais aussi d'information générale et d'intérêt public, mais que nous n'abordions pas ces sujets en ondes. Ce soir, je vous affirme qu'effectivement, Réanimation est principalement une émission radiophonique consacrée à la musique métal. Mais ici encore, nous n'aborderons pas ce sujet en ondes. Bande de philistins, voici Réanimation et c'est bien pire parfois d'avoir son assistant et un médecin lorsque les deux protagonistes sont aussi crédibles dans leurs énoncés que deux Cro-Magnon élaborant la théorie de la relativité. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, 'cause Pendragon fucking said so. Do.

notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Attention, attention, dernier appel pour l'embarquement du vol 89.1. De Mexico à Tokyo ou de Barcelone à Melbourne, vous vous envolerez chaque lundi midi avec moi vers une destination différente dans le monde. Attention, c'est un départ pour la prochaine escale. Attention, veuillez boucler votre ceinture de sécurité. Prochaine escale à... Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, en ce 25 juin de l'an de Disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et mon mime co-animateur, parce que nous allons mimer l'émission à partir de les 5 prochaines minutes, est Sinistros. Ah, vous n'aurez pas le choix de lire sur les lèvres hein, parce que... Sur les lèvres de vos haut-parleurs. Oui, c'est ça, de vos haut-parleurs. Alors, surveillez comme faut les battements d'haut-parleurs. Comment vas-tu? Poum, poum, ça veut dire oui. Poum, poum, poum, poum, ça veut dire, ben, allez vous faire foutre. C'est tout. À la semaine prochaine. Comment vas-tu? Eh, c'est pas pire, c'est pas pire. Est-ce que... Malgré la chaleur... C'est... Très timide. C'est ça, hein? C'est juste 29, mais avec le facteur humidex... C'est 49. C'est 49, moins, plus 8000. Oui. Effectivement, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ce qui est vraiment, je dirais, achalant à cette température-là, c'est que vraiment en dents de scie, hein? Peut-être que ce soir, il va se mettre à neiger, puis demain, on va retourner dans Ça a l'air qu'il annonce moins 20 cette nuit. Oui, c'est ça. Demain, tu vas pelleter demain matin, puis quand tu vas arriver, tu vas pelleter encore, mais ça va être du sable cette fois-là. Oui, c'est ça. Émission chargée encore une fois, avant-dernière émission, avant la pause estivale, puisque la dernière sera le mardi prochain, le 2 juillet. Cette semaine, c'est nos albums marquants. Et on va finalement peut-être revenir à être à date dans cette fameuse présentation mensuelle. On a tellement eu de décalage dans les dernières semaines, derniers mois, que on a l'impression qu'on fait ça toutes les semaines, mais c'est pas vrai. Là. On le fait tous les jours. Oui, c'est ça. Tellement qu'on sait même plus quel album passer. Ben ça, si tu manques d'inspiration, tu m'en parleras, j'aurai peut-être des idées. OK. Mais quoi qu'il en soit, on vient d'entendre avant la pause publicitaire les formations suivantes, soit Merciful Fate et la pièce Black Funeral qu'on retrouve sur le premier album de cette formation, soit Melissa, qui est paru en 1983 sur Roadrunner. Ça vient au Metal Church et la pièce The Dark, pièce titre du même album, paru en 86 sur Elektra. Anvil, deuxième album, Metal, tiré de l'album. Je ne sais plus, m'en souviens plus. Metal on Metal, oui. Ah, c'est éponyme, éponyme. OK. Je pense que j'irai pas plus loin. J'irai pas qu'une dictée, finalement. Hein? Non, parce que je sais pas écrire. OK. Bon, ben, la semaine prochaine. Metal qui est paru en 1982 sur Attic. Gravedigger et la pièce Back from the War, tirée de l'album Heavy Metal Breakdown, qui est paru en 1984 sur Noise. Nous avions ouvert avec Iron Maiden. Et oui, livre Iron Maiden. Avec Phantom of the Opera, tiré de l'album. Premier album de cette formation britannique de la New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, qui est paru, lui, en 1980 sur EMI. Un peu plus tard dans l'émission, j'aurai quelques chroniques musicales et chroniques cinéma pour vous. Ce soir, comme je le disais, Sinistros et moi avons une présentation qui nous est propre, qui représente un de nos albums marquant du métal. Généralement parlant, ce sont des albums qui ont un certain nombre d'années en arrière, on s'entend? Ouais, au moins au... un an. Oui, ben peut-être qu'on va en venir à ça. Là, oh, mais s'entends-tu que on a encore pas mal de trucs qui datent des 30 dernières années à présenter ou en fait à refaire découvrir. Ben moi, ça risque d'être difficile parce que j'ai manqué les années 90. Ben toi, t'as juste à pas venir pendant ce temps-là. OK. Tu iras faire une émission de, je sais pas, moins de... C'est pas le cas. So You Think You Can Dance, quelque chose comme ça. Je te verrais là-dedans, moi. Oui, hein? Ouais. Surtout à la radio. Un petit gobelin gris qui danse. Oui, surtout à la radio. Oui. Ça aurait beaucoup d'impact. Essayer de mimer, pas de danse, ça, c'est cool. Oui, effectivement. Misère. Facile. Oh, il est là encore. Bon, OK. Donc, moi, pour ma part, ce sera l'album de Coroner, Punishment for Decadence, qui est paru en 1988. Et moi, ce sera Iron Maiden avec Power Slave, qui est paru en 1984. Bon, mais pour l'instant, par acte de... En ce qui me concerne, par acte de contrition... De bravo. C'est plus de la contrition, c'est plus de l'autoflagellation pour expier certains péchés. Je vais me prêter à ce que tu vas nous présenter. Ben, c'est le fun, parce que tu m'as posé la question avec quel bloc que tu veux commencer. Oui. Autant se débarrasser de celui-là tout de suite. Mais vois-tu, ça m'amène à une question qui, ma foi, me semble fort pertinente. Vas-y. Si l'instigateur du bloc en question me dit, ben, on va s'en débarrasser... Ben oui, mais s'en débarrasser pour toi, pour pas que t'ailles ça sur la conscience. OK, c'est pour moi. Oui, c'est juste pour toi. OK, là. OK, c'est correct, c'est beau. C'est parce que je le sais, tu l'as vu, le bloc. Fait que là, si je te fais languir tout le long de l'émission, ça va faire une mauvaise émission. Fait que t'as aussi bien de lâcher le morceau tout de suite. Mais moi, là, je vais te poser une autre question. Vas-y donc. Tu viens de dire un mot-clé dans l'histoire, là. Lâcher le morceau, là, ben, le mot-clé, un énoncé. Pourquoi tu ne lâches pas, t'as le morceau de ça? Ben, parce que moi, j'aime ça. Mais voyons donc, arrête donc de me faire accroître n'importe quel crabistrouille. Mais oui, mais qu'est-ce que je te dis? Du black metal. Ah. Ben, vas-y donc. Bon, un bloc de black metal pour les fans de black metal. Nous aurons du Life Lover, 1349, Anal Nathrak, All Fader, Aura Noir. Donc ça, t'aimes ça? Faut que... Ouais, c'est pas pire. Bon, on commence tout de suite avec Life Lover et la pièce Androider qui est parue sur le mini-album Decadence qui est paru en 2009 sur Osmose Productions. Production. Production. Go. Où? Life Lover. Go. We'll be right back. demandez où entendre les chroniques de Mathieu Plante cet été? Vous cherchez des segments à succès comme « C'est un fait ». Il n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. On le félicite. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Comme il dit souvent, similaire à vu à la télé. Ouais. Ça, c'est la version cheap, du vrai. De l'autre version cheap. Et Kinky Sexy Time. Tantôt, on parlait de quand t'aurais des relations sexuelles. Jean-Philippe les voit à l'avance, puis je vois sa face, puis c'est comme... Est-ce qu'il va le dire? Oui. Retrouvez-les toutes et plus encore dans une nouvelle émission estivale. Assemblage requis à la plage, les jeudis de 14h à 18h. On rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Chaque mercredi midi de l'été, Saint-Tony c'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. En rediffusion les samedis 11h. 89. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou avant tout le monde. 89. h 55, vous êtes écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et vous êtes en compagnie de moi-même, votre humble serviteur et tendre docteur Pendragon. Et de l'autre. Et l'autre, là, celui qui sent mauvais, qui a l'air bizarre, c'est Sinistros. J'ai du si l'air bizarre que ça en radio. C'est pour ça que j'ai pété tous les miroirs qu'on avait dans le laboratoire. Ah, ouais? Oui. C'est pour t'enlever un minimum de contexte, de complexe de. Je pensais que la radio, ça nous augmentait d'une dizaine de livres. Oui, effectivement, ça continue à le croire. Aura Noir avec With Held, tiré de l'album Out to Die de 2012. C'est paru sur Indie Recordings. Tout juste avant, nous avons eu All Fader avec We Will Go. At least we will together, we will die together, pardon, paru en 2006 sur Osmos Productions. Anal Natrak, Forging Towards the Sunset, tiré de l'album Vanitas de 2012 sur Candlelight. 1349, Sculptor of Flesh, tiré de l'album Hellfire de 2005 sur Candlelight. Et on a débuté avec Life Lover, avec la pièce Androider, tirée du mini-album Decadence de 2009 sur Osmos Productions. Voilà. Hey, on est débarrassé. T'es content. Ben, suis débarrassé. Oui, yeah! Je trépigne de joie. Ben, on ne fait pas si pire que ça. Il y en a du pas mal plus écœurant que ça. Ben oui. C'était dramatique. Ouais, ben j'ai toujours peur un peu, hein. Chat échaudé craint l'eau froide, hein. Fait que, ben, t'es quand même. Mis de l'eau chaude, pauvre. Ouais, c'est ça. Ben oui. Bon, je pense que. C'est où déjà le bouton, ce micro-là, là? Il n'y a plus. Fais donc voir. Ah, il y en avait un. Ouais. Petite chronique musicale. C'est un peu drôle la façon. En fait, c'est pas nécessairement une nouveauté. Là, le premier album que je vais vous parler, c'est un album qui est quand même de 2012. Ça fait pas 20 ans, là. Ça fait encore 10 ans. Puis ça fait probablement même pas tout à fait une année. Je connaissais une pièce ou deux. J'avais jamais associé. Que j'aimais beaucoup. J'avais jamais associé les pièces à cette formation-là. Principalement, je les avais entendues à rock classique. Il s'agit de la formation Texas Hippie Coalition, qui donne dans un Stoner Hard Metal, formation des États-Unis, qui affiche un look tout à fait, je dirais, effectivement texan et très rebelle, en même temps que très biker. Le dernier album dont il est question ici, c'est Peacemaker. C'est vraiment excellent. C'est un excellent stoner. C'est très bien fait. C'est très hard en même temps. Il est très mélodique. Le chanteur a un vocal extraordinairement puissant. Je vous conseille énormément. Je lui donne un 9 sur 10 facilement. Pourquoi je lui ai pas mis un 10? Parce qu'il y a deux ballades, puis les ballades, j'aime pas ça. Bon. Fait que, hein. Puis encore, il faut dire qu'il y a des ballades beaucoup pires que ceux-là. Mais déjà, dans le genre, je me suis dit, c'était pas nécessaire de mettre des ballades. Ensuite de ça, eh bien, le 16 juillet, dans pas si long que ça, pour les amateurs encore de Doom, Stoner, il y aura la formation Trouble qui sortira l'album qui porte le titre de Distortion Field sur FRW Records. J'ai aucune idée de comment ça peut sonner maintenant, Trouble. Surtout que c'est plus le même chanteur. Hein? C'est plus le même chanteur. J'en ai aucune idée, mais c'est peut-être une, en fait, par curiosité, ce serait peut-être intéressant de le savoir. Donc, ce sera disponible le 16 juillet prochain. Le 6 août, ah oui, c'est vrai, Trouble sera disponible en CD-LP. Le 6 août prochain, formation qui donne dans un Dead Gore Metal, soit Exhum, sortira un nouvel album qui porte le titre de Necrocracy sur Relapse. Et celui-ci aussi sera disponible en CD et LP le 6 août pour les amateurs de Doom Hard. Formation suédoise Catatonia sortira un nouvel album qui porte le titre de Dethroned and Uncrowned. Ça, c'est le 9 septembre prochain en CD et LP. Et l'autre album que j'ai finalement, je me suis finalement rappelé de commenter, c'est l'album. Je savais même pas qu'il y en avait un nouveau. Je vais pallier à ça immédiatement. De Orchid. Ouais, album de Orchid qui s'appelle The Mouth of Madness. C'est excellent. Ça aussi, c'est un Stoner Doom. Formation vraiment. Je dirais moins caverneuse, ouais. Un petit peu plus légère, plus. Ben, le précédent album était un peu plus caverneux, celui-là. Celui-là, il l'est pas vraiment. Mais c'est très bon aussi. J'ai donné un 8 sur 10. C'est disponible également en CD et LP. Et j'aime beaucoup le choix des couleurs de la pochette. Bon, ça fait très Black Sabbath, ouais, 70. C'est ça. Ça fait très classique horreur. Donc, c'est très à propos. Et le nouveau M.L.M. Art, qui porte le titre de The Savior of the Gods, est disponible en même, depuis aujourd'hui même. Je vous parlerai certainement un peu plus tard. Je suis rendu à la portion où je vais faire la présentation de mon album marquant, album classique, qui est un album de 1988, qui était sur l'étiquette Noise Record. Il s'agit de des Suisses Coroner. L'album étant Punishment for Decadence. C'est un... Je dirais honnêtement que c'est un métal technique. C'est un heavy metal technique. Mais dans les premiers bands techniques. Oui, possiblement, effectivement. tendance speed metal par moment. Mais la principale force de Coroner était vraiment la... Comment je pourrais dire? L'ensemble, technicité qui était vraiment là, très bien répartie entre les trois musiciens. Une excellente réponse de jeu d'instruments. C'est un trio. C'est encore un trio parce qu'ils existent encore, se sont reformés pour le moins pour des spectacles. Et moi, quand j'ai entendu cet album-là, je dois dire que celui qui m'a fait découvrir Coroner était Burning Aggression en 1985, si j'ai le même album, avec le premier album R.I.P. Et j'avais trouvé ça bien. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Aujourd'hui, R.I.P., je le trouve excellent. Mais quand j'avais entendu Punishment for the Cannon, j'avais vraiment accroché. J'ai jamais décroché depuis ce temps-là. Donc, incluant l'introduction qui dure un gros 12 secondes. Oui. Oui, c'est ça. On va se taper 6 pièces, donc en fait 5 pièces proprement dit. Soit, je vais aller dans l'ordre, l'introduction qui porte le titre simpliste de intro. Ce sera suivi de Absorbed, Masked Jackal qui est une de leurs pièces, leader si on veut. Arclight, Skeleton on Your Shoulders et Sudden Fall qui est excellente. Donc voici Coroner tiré de l'album Punishment for Decadence de 1988. lundi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes du 89.1 FM. C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et nous venons d'entendre la formation suisse, et plus précisément de Zurich, Coroner. Formation qui a vu le jour en 1983, alors qu'ils étaient Rudy pour Road Crew, si vous préférez, pour Celtic Frost. Et que messieurs Marquis, Rice et Baron avaient décidé de partir une formation parce qu'eux autres même étaient musiciens. Ils avaient alors demandé l'aide de Tom Fisher, Tom Warrior, si vous préférez. Celui-ci avait probablement remarqué que ces trois Suisses road crew étaient plus talentueux que lui, donc il a refusé de les aider. L'histoire a prouvé que finalement Coroner est devenu une formation techniquement parlant de loin supérieure. Oui, puis Celtic Frost est tombé dans le déchéance. Terry Archer des compagnies. Ouais, absolument. Et qu'aujourd'hui, Coroner remet ça par différentes apparitions à certains festivals, principalement évidemment en Europe, et que selon ce que j'ai pu lire comme critique, ils ont autant de talent qu'à l'époque. Ce qui est probablement, en fait, de talent et de succès, je dois dire un accent sur le mot succès, ce qui est probablement pas le cas de Celtic Frost, parce qu'on l'a vu comment ça l'a tombé dans une certaine oubli. On a entendu les formations. En fait, c'est tiré de l'album Punishment for Decadence, qui se trouve à être le deuxième album paru, pas, deuxième album complet studio en 88, qui suivait l'album R.I.P., qui était le premier full-length de 87. Et notez que R.I.P., c'était... en fait, pratiquement dans son entier, le deuxième démo qu'ils avaient fait en 87, ils avaient repris pratiquement la totalité des pièces et avaient gardé le même titre. Punishment for Decadence, selon moi, est une petite coche au-dessus de R.I.P. parce qu'ils avaient développé, je pense, à ce moment-là, leur vrai style, déjà apparent dans le précédent, mais ici, je pense qu'ils avaient bien campé. On a entendu les pièces Sudden Fall, c'était précédé de Skeleton on Your Shoulder, Heart Light, Masked Jackal. Et pour les connaisseurs de ce style musical, et principalement de Coroner, Masked Jackal, c'est probablement une pièce que tout le monde connaît, parce que c'est vraiment, entre guillemets, leur espèce de hit, là, si on veut. La classique. Ouais. Juste auparavant, nous avions Absorb, et il y avait la très courte intro de 12 secondes qui portait le nom original de Intro. Un album qui, dans son entier, comporte 10 pièces, dont la dernière pièce est une reprise de Jimi Hendrix, qui est Purple Haze, et c'est une très bonne reprise aussi, d'ailleurs. Voilà. Je vais vous passer maintenant quelques petits commentaires au niveau cinéma. Pourri. Ben, peut-être pas tant que ça, parce que j'en ai pas vu autant que le nombre de pourris que tu as dit. Je veux juste vous dire que la semaine prochaine, je vais probablement vous parler de World War Z, parce que je vais aller le voir à l'étincelle depuis vendredi dernier. C'est un film qui m'intrigue énormément. Et je ferai peut-être même ma première incursion en 3D là-dessus, parce que semble-t-il qu'il vaut vraiment la peine en 3D. Je suis pas capable de regarder ça, malheureusement. probablement que je vais avoir la même conclusion en sortant de la salle, là. Mais bon. Saison, série est fort intéressante, dont Sinistros est amateur aussi. C'est la série Sons of Anarchy, qui est une série qui paraît sur FX. Et donc, c'est, on parle de la cinquième saison. Eh oui. Cinquième saison, Sons of Anarchy, c'est une série qui traite d'un gang de motards qui, initialement, ne voulait pas être criminalisé, puis à la force des choses, devient criminalisé. Ils font des différentes activités au niveau des armes, principalement, et de la drogue. Et ils ont un petit côté lucratif au niveau de la pornographie aussi. Bon, mais ça, c'est le côté légal. C'est le côté légal. Sons of Anarchy, c'est une série qui décrit assez bien, je dirais... Ben, en fait, je le connais pas, là, ce monde-là, là, mais selon ce qu'on entend parler ou ce qu'on peut lire, le monde des motards. Mais en même temps, c'est évidemment, pour que la série fonctionne, ils ont mis beaucoup de personnages qui sont relativement attachants, des figures qui se campent avec des caractères très forts. Puis je dois dire que j'étais allé voir généralement tous les acteurs principaux qui jouent dedans, que ce soit autant ce Charlie Hunnam qui fait Jax là-dedans, que Raul Pellman, tout le monde le connaît, là, ou à peu près, mais les autres acteurs, celui qui est Rupert Tigg, celui qui est Hoppy, Happy, et ainsi de suite, c'est tous des gens qui ont collaboré à de nombreuses séries très populaires que j'ai probablement pas toutes suivies ou j'ai pas suivies du tout. L'acteur qui fait Chibs, lui, il a joué dans Braveheart. Oui, absolument. Il a joué dans plusieurs films, oui, effectivement. Donc, ce n'était pas des nouveaux... venu au niveau de la télévision. Et ça donne quand même une excellente série télévisée, remplie d'action, remplie de, je dirais... De rebondissements et souvent de choses moins... moins pour les enfants. Hein? Effectivement. Ouais, donc, c'est pas une série pour les enfants. Moi, je donne un 8,5 sur 10 pour cette saison-là. Facile. Toi, t'es d'accord avec ça? Oui. D'accord. La semaine prochaine, je vous parlerai aussi du film Phantom... qui sortait aujourd'hui même en DVD en Blu-ray. C'est un film qui met en vedette Ed Harris et David Duchovny, et Lance Erickson. David Duchovny, c'est le Fox Mulder de X-Files. Et c'est un film qui traite d'un capitaine de sous-marin soviétique qui doit quitter sa famille pour une mission des plus mystérieuses qui déterminera le sort prochain du monde. Je vous en dis pas plus, je vous en parle la semaine prochaine. S'il y a une émission la semaine prochaine, évidemment... Il devrait en avoir une, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est supposé être la dernière. C'est la dernière du. C'est la dernière de l'année. Dernière de la saison. De l'année. De l'année. Oui, parce que. Nous autres, nos années. Nos années durent 6 mois. Ouais. C'est ça. Film à revoir, à découvrir. Je vous parle de Mysterious Island, qui est un film de 1961, qui est un film d'aventure science-fiction, qui est tiré d'un roman de Jules Verne. Est-ce que tu connais le film? Non. L'île mystérieuse? Non. Non, c'est mon meilleur film d'aventure. Quelle année? 61. C'est le film d'aventure que je préfère de tous les titres confondus. J'aime beaucoup aussi cette époque où on avait la stop motion pour l'animation. Et c'est Ray Harryhausen qui avait été chargé de la faire à l'époque, qui est encore un maître à penser dans le genre, là, qui en fait de moins en moins parce qu'il est très âgé. Mais bref, ça se passe pendant la guerre de sécession. Et puis ce sont des sudistes des confédérés qui échappent in extremis à une bataille dont ils subissent un revers en ballon, une montgolfière. Ils se font prendre dans une tempête, ils sont complètement perdus en mer et ils échouent sur une île. Une île qui est évidemment, entre guillemets, mystérieuse, mais une île qui est un peu hors du temps, qui est peuplée d'animaux qui sont soit presque préhistoriques ou gigantesques, et où le capitaine Nemo a élu domicile secrètement. Oh. Avec le Nautilus. Bref, c'est un très, très bon film qui met en vedette Michael Craig, Michael Callan et Joanne Greenwood. 1961, moi, c'est un 9,5 sur 10. Puis c'est vraiment bon. Maintenant, je ne dirais pas mon coup de marteau, mais je dirais ma déception de la semaine. C'est le nouveau Superman, Man of Steel, que je suis allé voir. Ben, écoute, il faut que je fasse un préambule sinistro, si tu me le permets, là. Tu me le permets-tu? Oh, ben oui. Je te le permettrais pas. Je prendrais le droit pareil. Probablement. Je ne veux pas nommer le lieu, je ne veux pas nommer le nom du cinéma, mais je suis allé voir ce film-là dans un cinéma qui était vraiment, là, mais vraiment exécrable, là, où tout tombe en ruine. Là. Quand tu dis que tu te ramasses avec un barreau de fauteuil dans les mains, que la rangée d'en avant toi, il n'y a même plus siège sur le fauteuil, le son est complètement pourri. puis l'image est complètement granuleuse. Donc, ça l'est, c'est rien pour aider. Superman, c'est pas mon super-héros préféré. Je suis un fan de super-héros, mais c'est pas mon super-héros préféré. Et moi, jusqu'à présent, au niveau cinéma, ça m'a toujours prouvé que c'était un des personnages les plus durs à mettre au grand écran. C'est un personnage qui était dur à camper parce que c'est un surhomme qui a tous les pouvoirs, qui est indestructible, mais c'est aussi ses origines qui deviennent dures à transposer, selon moi. Puis ça m'a encore prouvé que c'était ça. Bon, je vais être très honnête, c'est un film de Zack Snyder. Zack Snyder, moi, j'ai beaucoup aimé dans 300. J'ai trouvé ça génial, c'est la façon qu'il a fait la mise en scène. Mais Man of Steel, j'ai donné un 4 sur 10. Oups. Ce qui est pas fort, pas fort du tout. Je me suis ennuyé pendant les deux heures. J'ai trouvé que la mise en contexte, parce que c'est l'histoire du début de Superman, c'est encore une espèce de remake, là, encore une autre fois. La mise en contexte de la venue de comment, en fait, Superman, qui porte le nom terrestre de Clark Kent, et puis qui portait un autre nom aussi là, sur Krypton. Bon, comment ça... C'est d'une longueur, c'est fini. Puis graphiquement, ça m'a vraiment pas plu. Puis en plus de ça, quand on tombe en moment d'action, les scènes se succèdent de façon tellement rapide que l'image se met à shaker. Fait que tu vois rien de ce qui se passe. Bon, OK, peut-être que la qualité du projecteur et de l'écran aidait pas beaucoup, mais c'est un film qu'à un moment donné, t'as l'impression que c'est les yeux qui te sautent, là. Fait que moi, j'ai trouvé ça comme vraiment... ordinaire, puis j'ai pas aimé l'acteur principal, mais vraiment pas. Donc, moi, Superman, 4 sur 10, puis j'ai vraiment pas l'intention de me procurer ce film-là. Ceci étant dit, c'est triste parce que je me suis dit, ben enfin, peut-être qu'avec Zack Snyder, ça va donner un Superman intéressant, mais moi, c'était pas le cas. Mais écoute, il a été très encensé, ce film-là, par les critiques générales. Là. Les critiques générales ont énormément aimé le film, mais moi, je me fie jamais à ça. Ceci étant dit... 20h36, maintenant c'est toi qui vas nous présenter ton album marquant. Ben oui. Arrête donc. 1984, cinquième album d'Iron Maiden. Qui c'est ça? Troisième album avec Bruce Dickinson. Qui c'est ça? Deuxième album avec Nico McBrain. Qui c'est ça? Power Slave. C'est qui ça? C'est un album de 1984. Arrête donc. Oui. J'ai hâte de le découvrir. Album qui m'a marqué parce qu'il mettait en scène le groupe. Premièrement, la pochette, c'est une des plus réussies d'Iron Maiden. Avec toutes les hiéroglyphes sur les... Donc, c'est la pochette égyptienne. Oui, oui, c'est vraiment... Puis moi, j'étais en plein délire égyptien à cette époque-là. C'est l'année où il y avait eu l'exposition Ramsès II à Montréal. Puis j'étais en plein délire. Puis Iron Maiden qui sort ça avec des pièces plus longues, comme plus techniques... Ah, c'est ça, Oui, je me rappelle bien de Rime of the End. Oui, oui, ben c'est ça. Là, il était rendu dans un boss de faire des pièces excessivement longues, avec des grosses histoires. Ça avait commencé un peu avec Peace of Mind. Mm-hmm. Pardon. Iron Maiden a poussé plus loin son trip de vouloir faire des histoires et nous amener dans... Dans son concept. Dans un concept, mais tu sais... Au fil des albums, on dirait que Maiden, ils ont essayé de nous amener comme Somewhere in Time, mais là, on fait un buzz de Blade Runner, tu sais, bon... Écoute, moi, je pense simplement que le band est allé avec ses propres tripes. Ouais, ouais, c'est ça. Développer un concept ça, avec ce qu'ils aimaient personnellement. Mais musicalement parlant, selon moi, Power Slave, c'est le plus réussi de tous les albums Iron Maiden confondus. OK. Même si Maiden, dans le temps de Diano, c'est peut-être meilleur, parce que c'est différent, c'est plus punk, c'est plus comme, c'est plus cru. Ouais. Number of the Beast, c'était un très bon album, sauf qu'il a été tellement sûr... en tout cas, la pièce. Ben, Number of... Ça, puis Run to the Hill, ça a été tellement surexploité et tout. Même encore aujourd'hui, ça joue un poste anglophone qu'on nommera pas. Puis ça vient que, regarde, change de tune. Il y en a d'autres tunes à Run Maiden. Ouais, tu sais. Effectivement, je suis d'accord. Peace of Mind est le premier album de Maiden qui m'avait vraiment plu. Mais celui-là, Power Slave, selon moi, c'est le meilleur d'Aaron Maiden. Alors, on va entendre quatre pièces. Ace's Eye, Two Minutes to Midnight, Power Slave et l'excellente Rime of the Ancient Mariner. Alors, allons-y tout de suite. Iron Maiden, Power Slave. Yo! We'll be right back. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Assez fou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Et vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show, et ce jusqu'à 22h. Petite parenthèse, ce vendredi, je participerai comme à tous les derniers vendredis du mois à l'émission Rock Classique. Donc, si cela vous intéresse de connaître mes choix en matière de rock et de classic rock, eh bien, je vous invite à écouter. De toute façon, Rock Classique, c'est une excellente émission remplie de musique, évidemment, mais aussi de renseignements et de culture générale, dois-je dire, au niveau de la musique. Trois-Rivières Metal propose là. Laisse pas faire la nomenclature de mon album. Oui, excuse-moi. Tu parles. Je m'en allais annoncer le spectacle. Mais on vas-y, se vas-y. Calme. Ben, vas-y. C'est quoi t'as pensé? Iron Maiden. OK, merci, c'est beau. Avec l'album Power Slave, qui fut un de mes albums marquants, on a entendu les pièces Rime of the Ancient Mariner, Power Slave, Two Minutes to Midnight et Aces High. C'est paru en 84 sur EMI. Je me rappelle, petite anecdote, alors que je fréquentais le cégep, j'avais une émission de radio qui était métal, bien entendu. Quoi, j'ai fou, je me débatte énormément avec les gens de la GE pour avoir une émission métal. Oui, testerait d'un peu. Oui. Et puis, j'avais terminé une émission avec cette pièce-là, Rime of the Ancient Mariners, une pièce quand même de 13 minutes, pratiquement 14 minutes, là. Et il y avait quelqu'un qui était venu, c'était diffusé aux deux pavillons, ça. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir, me dire, me poser la question, que je connaissais pas, me poser la question, c'était, ça faisait combien de pièces d'Iron Maiden que je passais de fil? C'est la même. Trois-Rivières Metal propose sa nouvelle édition du Metal Fest le 11 et 12 octobre prochain à la bâtisse industrielle. Et certains noms de groupes sont maintenant sortis depuis la semaine dernière. Je crois que c'est depuis mercredi passé, c'est ça? Je pourrais pas te dire. Non, je pense que c'est en fin de semaine. Non, c'est sorti. Ah, peut-être. Je pense que c'est sorti mercredi ou jeudi passé. Jeudi, je crois. Ça se peut. Donc, évidemment, il y a certains noms de sorties. Il en reste encore amplement à sortir. Il n'y a pas encore d'attribution selon les journées. Mais est-ce qu'on peut vous dire... Oui, ceux-là, ça va être le samedi. C'est samedi, ceux-là? Oui. D'accord. Donc, ben, pour le samedi, il faudrait voir les formations Beyond Creation, Insurrection, Battle Cross, The Occasion Strain, Shadows Fall et Hatebreed. Donc, je vous invite à aller voir les modalités sur le site de trois-rivières-metal.com pour voir ce qu'il y en est. Donc, j'imagine que dans les semaines à venir, nous pourrons vous en informer un peu plus, quoique dans les semaines à venir, nous ne serons pas en onde. Ah, que voulez-vous? D'ailleurs, petite rectification. Initialement, j'ai dit que la période de pause pour animation de l'été était due... En fait, la rémission était le 2 juillet prochain et nous serions de retour le 6. Erreur, ce sera le mardi 13, donc le mardi suivant, puisque le 6, eh bien, je serai toujours en vacances et le Sinistros aussi. Donc, c'est mardi le 13 qui sera le retour de réanimation après la pause estivale. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous proposer un bloc musical qui est assez éclaté. On va entendre entre autres du Meshuggah, on va entendre du Duff, mais pour l'instant, on y va tout de suite avec une excellente pièce tirée de Leviathan, Mastodon, Sea Beast.

21h53, et c'est vraiment la fin. Je vous rappelle que ce vendredi au Foufounes Électriques, soit le 28, BCI présente Malakesh, Vride, Lightning Swords of Death et Ring of Lies. C'est à 18h au coût de 20$ et 23$ taxes incluses. Que venons-nous d'entendre? Formation américaine Behold the Monolith avec la pièce We Are the Worm. C'est paru sur l'album Defender Ready Miss en 2012, sous étiquette indépendante. Tout juste avant, on a eu une autre formation américaine qui s'appelle Pilgrim, avec la pièce Adventurer, tirée de l'album Misery Wizard de 2012 sur Metal Blade Records. Nous avons eu Acid Witch, avec le très très doom Witch Blood Cult, sur l'album Witchtanic Hallucinations de 2008. C'est paru sur Hell's Headbangers. Et voilà. Nous allons nous laisser sur une dernière pièce. Et tiré de l'album Black Masses, on va se laisser avec Electric Wizard et la pièce Turn Off Your Mind. D'ailleurs, ça, la semaine prochaine du Electric Wizard, vous allez en réentendre dans mon spécial Stoner. Excellent. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière avant la pause estivale. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. Go!